La force de Coriolis, de Catel Guillou. Cinquième et dernier épisode. Ainsi le pire va arriver. Ce que je n'osais même pas imaginer. Mon fils unique va mourir seul en mer, de l'autre côté du globe, loin de moi. Moi qui n'aurais pas su le protéger. Moi qui l'ai inconsidérément entraîné vers sa perte. Pourtant non, c'est impossible. L'océan ne peut pas me faire ça. L'œil du cyclone, c'est donc ça. Mathias vit encore, je le sens. Ce calme absolu au milieu du chaos. Je dois le retrouver. Cette bulle éclose au cœur du qu'il monde. Soit, je le retrouverai. Pourtant arraché au tumulte du monde. L'amour est si fragile. Et si c'était là, enfin? Rien de plus incertain. Le seul endroit où vivre. Rien de plus précaire que l'amour. Rien de plus miraculeux pourtant. Comme la vie, au fond. Comme ce qui fait tenir cette planète en suspension dans le grand vide de l'univers. Mathias, t'es ma taille. N'est-ce pas nous qui la faisons tenir? Indomptable garçon. Volonté, mes chers enfants et rebelles. Par la foi. Pourquoi faut-il que vous n'en fassiez toujours qu'à votre tête? De même de l'amour. Peut-être suffit-il de croire en lui pour qu'il existe. Ô Tangaroa, Dieu encore. Des tempêtes et de l'océan. Vous qui m'avez déjà pris un fils. Je vous en prie. Épargnez celui-ci. Laissez-le vivre. Cyclone Tamara a maintenant... Oui, 22 ans. Nous n'avons pas d'image. Parti de Brest le 5 avril 2016. Évoque des scènes Kerinvel, Mathias Kerinvel. Aucun bilan humain n'est encore entendu. Disponible, mais les dégâts devraient être Merci. Considérables, a reconnu ce matin Alors la ministre des Outre-mer, qui a précisé l'état de catastrophe naturelle. Strictement rien. A déjà été décrété sur plusieurs îles françaises de l'archipel. Il reste du café. Je vais aller là-bas. Tous les aéroports sont fermés, t'as entendu. Mais le gouvernement envoie quand même des agents. Pour les secours, oui. Un pont aérien est par ailleurs en train de s'organiser. Qui tu appelles? Des avions militaires chargés le ministère. De secours ainsi que... Quel ministère, Joël, enfin? Sont en cours d'acheminement vers l'île de Tahiti, qui n'a été que partiellement Allô touchée par la queue. Bonjour. Joël Kerinvel à l'appareil, de l'Ifremer à Brest. Je vous appelle au sujet du cyclone Tamara. Je pense qu'une équipe scientifique devrait être envoyée sur place immédiatement, afin d'estimer les dégâts et d'effectuer des relevés dans les zones côtières. Les ressources végétales et animales de l'espace maritime polynésien pourraient être impactées de manière irréversible si nous ne prenons pas, dès maintenant, la mesure de ce qui vient de se passer. Je vous remercie. Après le passage d'un cyclone de cette ampleur, qu'est-ce qu'il a dit? Il en informe la ministre. Ça ne marchera jamais. Absolument éviter, sous peine de provoquer des épidémies, notamment de choléra, que les populations démunies et en détresse aillent se servir dans des puits d'eau essouillée par les rempart, la terre ou toutes sortes de produits ménagers. Le président de la Polynésie française, qui par ironie du sort se trouvait à Jakarta au moment de la catastrophe, pour la 4e conférence des Nations Unies sur la prévention des risques naturels, s'est exprimé ce matin. Ce qui vient de se produire est monstrueux. Je pense d'abord à tous mes concitoyens qui sont aujourd'hui dans la difficulté, Allô dans la peine. Oui, je suis là. Nous sommes un peuple vaillant et intelligent. Ça y est, le trafic vers l'Amérique du Sud a commencé à reprendre. Le prochain vol pour Lima est dans 1h35. Vous voulez que je vous aide à échanger votre billet? Non, merci. Ce ne sera pas nécessaire. Mais, et votre conférence? Vous savez, à l'heure qu'il est, elle a déjà sûrement commencé. Si je pars maintenant, je risque de n'arriver que pour le cocktail final. Ce sera sans doute plus utile pour la planète si j'économise un trajet en avion, vous ne croyez pas? C'est comme vous voulez, monsieur Greenblatt. Je vais retourner directement à San Francisco. Il y a des vols toutes les heures. Ce ne sera pas compliqué. Vous rentrez chez vous. Vous devez être épuisé et votre fille vous attend. Oh, mes parents s'occupent d'elle. Il n'y a aucun problème. Mais elle vous manque, non? Oui, c'est vrai. Alors filez. Au revoir, Jin Jin. Merci encore pour tout. Et bonne chance pour votre nouvelle vie au Canada. Merci. Au revoir, monsieur Gunblatt. Et si jamais vous passez un jour par San Francisco, faites-moi signe, d'accord? D'accord. Au revoir. Et bon retour. Nulle part. Partout. Anywhere, anyway. Est-il plus courageux de prendre le large pour mener sa barque en solitaire ou de s'accrocher au rivage et d'affronter les hommes? Partir, fuir, pourquoi? Toi qui croyais déjouer l'espace et le temps en quittant la Terre, tu n'as en vérité jamais bougé d'un iota. Fuir, partir, c'est si facile. Le vent tourne et siffle dans ma tête. Mathias. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. C'est terminé. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été aspiré dans le tourbillon. Quand je vous ai vu vous envoler... Envoler? J'ai bien cru... Heureusement que Raymond était là. Je ne sais même pas comment il a réussi à vous ramener ici. Mon Dieu, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il est revenu. Comme une montagne. Comme une muraille en marche. Liquide, étroite. Et vous qui ne bougiez pas. Une muraille? Je vous avais pourtant dit que nous étions dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone? Oui, c'est ça. Mais enfin, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Le ciel s'est ouvert. Et j'ai entendu les étoiles. Elles chantaient avec la mer. Avec les arbres. J'entendais tout. Plus distinctement que si je pouvais lire la partition. Le son de chaque vague. Et de chaque molécule d'eau qui compose chaque vague. Le soupir de chaque branche. Et de la plus petite feuille. J'entendais même mon cœur battre dans ma poitrine, comme un métronome sur lequel s'accordaient les bruits du monde. C'était extraordinaire. Il y avait aussi un son très profond, lointain et sourd, comme une espèce de bourdon. C'était le cyclone qui revenait, je vous dis. Non, c'était le son originel du cosmos. Il s'est passé combien de temps? Quand ça? Entre le moment où je suis arrivé sur la plage et celui où vous m'avez vu m'envoler. À peine quelques minutes, 10-12 peut-être, pourquoi? Il m'a semblé que c'était l'éternité. J'ai besoin de 3 ou 4 personnes. Le ministère peut nous affréter un avion en fin d'après-midi. Il y a 11 heures de décalage horaire entre la France et Tahiti. On y sera donc demain matin. Mais on est censé faire quoi là-bas exactement? Relever l'état des rivages et des bassins. Évaluer les conséquences du cyclone sur la flore et la faune marine. Joël. Cela n'a jamais été fait juste après un tel événement. Ce sera une première. Joël, arrête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-leur les vraies raisons. Mais ce sont de vraies raisons. Je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est Mathias. Qui ça? Mon fils. Il est là-bas, quelque part. Je ne sais pas où exactement. Si le ministère l'apprend, on risque de... Tu en es ou pas? Mais tu sais même pas où le chercher. Je te rappelle que la Polynésie compte pas moins de 118 îles. Je le trouverai. C'est de la folie, Joël. Sandra? J'en suis. Moi aussi. Bernard? Évidemment, j'en suis. Le plus gros cyclone jamais enregistré dans le Pacifique Sud. Bon sang, il faut que je voie de quoi est capable un truc pareil. Parfait. Alors, on est 4. Je confirme ça tout de suite au ministère. Allô? Joël Caravelle, à nouveau. Donc, c'est d'accord. Nous serons 4. Vous avez de quoi noter ? Attends. Quoi encore, Loïc ? Je viens aussi. Tamara ? Oui ? Tu vas bien ? Et toi ? Tu m'as arrivé ? Non, mon vol pour Lima a été annulé. J'ai passé la nuit à l'aéroport. Je vais rentrer directement à San Francisco. Tamara, il faut que je te dise quelque chose. J'ai bien réfléchi. Ça ne peut pas continuer comme ça. On n'arrive même plus à se parler. Je supporte plus de te voir comme ça. De te sentir toujours si... Si quoi ? Dis-le. Que je suis malade, puisque c'est ce que tu penses. Si malheureuse. Je voudrais tellement pouvoir faire plus pour toi. C'est la vérité. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me suis trompé en m'embarquant dans cette affaire. Peut-être que je me suis fourvoyé. Je sais que j'ai pas été à la hauteur de ce que tu attendais de moi. Pourtant, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Pour t'apaiser. Te rendre plus heureuse. J'ai jamais rien désiré d'autre. Pourquoi tu me dis tout ça, Chris ? Tamara, aide-moi. Aide-moi à t'aider. Je comprends pas. Je vais arrêter tout ça. Si c'est vraiment ce que tu veux, j'arrête. Là. En arrivant, je donne ma démission. On pourrait essayer de recommencer quelque chose. Ensemble. Quitter San Francisco, aller vivre ailleurs. Et puis... Quoi ? Je voudrais que tu me fasses un enfant. J'ai envie d'un enfant. Avec toi. Tamara, tu es là ? Oui. Tu veux ? Oh, c'est juste. Étant lui-même en mouvement, subit une force mécanique naturelle qui le fait dévier d'un côté ou de l'autre. Sur la Terre, qui est, comme vous le savez, animée d'un mouvement de rotation uniforme, les vents et les océans sont directement concernés par ce phénomène. Ils sont déviés perpendiculairement vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis, du nom de l'ingénieur français qui l'a formulée au XIXe siècle. Et les avions sont concernés aussi ? Les avions subissent eux aussi, bien sûr, la force de Coriolis. Les pilotes doivent constamment composer avec elle pour calculer leur trajectoire. Et les hommes ? Oui, Chloé ? Ça se traduit comment chez les hommes ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, nous aussi, on se déplace. On marche, on court, on nage, on vit, quoi. Pendant que la Terre, elle tourne. Ça doit bien jouer sur nous, quelque part, non ? À notre échelle, ce phénomène est tellement infime qu'il en est imperceptible. Mais... Peut-être en effet que la trajectoire des hommes, de chaque homme, est secrètement influencée par le mouvement cosmique de notre planète. D'ailleurs, nous savons aujourd'hui mieux que jamais à quel point le plus petit événement qui affecte cette planète peut avoir des conséquences majeures pour des millions d'êtres humains. Oui. Même si nous en avons rarement conscience, la vie de chacun d'entre nous, désormais, dépend intimement du devenir global de la Terre. Bien, je suis désolée, mais je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous informe qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Ah, non, c'est quoi ? Pardon pour tous les addicts aux cours d'océanographie, mais un autre devoir m'appelle. Oh, mais pas venez, hein ? Oui. Merci. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Madame ? Oui ? Vous avez réfléchi à ma proposition ? Par rapport à la mission en mer de Norvège ? Ah, oui. Oui, bien, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes collègues. Je pense que... excusez-moi. Allô ? Allô, qui est à l'appareil ? Madame, ça va ? Où es-tu ? Je suis sur une île. Une petite île. Dans le Pacifique. Mathias. Je voulais juste te rassurer. Te dire que je vais bien. Mais... Tu as... J'ai vu le cyclone. Oui, j'ai vu Tamar. Maman, si tu savais... Tu es blessé ? Hein ? Non, non. C'est trop froid, rien. J'arrive, je prends l'avion, là. Dans moins de 2 heures pour Papette. Quoi ? Mais non, t'inquiète pas, je suis en sécurité maintenant. Je t'assure. Mayana prend bien soin de moi. Qui ça ? Je vais rester ici un peu. Chez elle. D'ailleurs, mon bateau a été emporté. Ouais. Maman ? Oui, mon cœur. Tu te souviens de la mission dans le golfe du Saint-Laurent ? Bien sûr, je m'en souviens. Pourquoi ? Je ne sais plus si je t'avais déjà remercié pour ça. Merci de m'avoir emmené là-bas. Avec toi. Merci de m'avoir offert ce cadeau. Ça va ? Vous n'avez pas trop mal ? Ça va, merci. Rien. Il n'y a plus rien. Votre bungalow ? Envolé, lui aussi. Même le cimetière est sans dessus-dessous. C'est fini. Toute ma vie, j'ai pensé que je mourrais sur cette île, dans cette pension. Je m'étais juré de rester ici jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais maintenant... C'est pas fini. Vous pouvez encore reconstruire. Cela n'en vaut même plus la peine. Avec cet océan qui monte, qui finira par nous avaler. Non, tout est fini. Tout commence au contraire. tout recommence toujours. Je vous aiderai. Mais vous ne voulez pas rentrer chez vous, après tout ça? Rien ne presse. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. Monsieur Mathias! Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Regardez ce que je viens de trouver sur la plage. Mon cahier. Évidemment, on peut plus lire grand-chose dedans, mais je me suis dit peut-être que ça vous ferait quand même plaisir. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Raymond. Regardez. Vous aviez raison. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée. Avec le soleil. C'était La force de Coriolis, de Catel Guillot. Cinquième et dernier épisode. Avec Arnaud Giovanninetti, Chris, Lara Brühl, Mayana, Robinson Stévenin, Mathias, Nathalie Villeneuve, Joël, Julie Denis, Tamara, Sophie Laure, Jing Jing, Jean-Claude Frissung, Raymond, Lise Cornier, Inanoui, Laurent Lederer, Loïc, Éric Herson-Macarel, Hervé, Louis-Marie Audubert, Bernard, Pierre-Stéphane Montagnier, le président de la Polynésie, Christophe Brault, le journaliste, Étienne Launay, le secrétaire, Karine Abella, Sandra, Didier Mérigou, Stéphane, Samuel Charles et Florian Goetz, des étudiants, Céline Mia Baumgartner, Chloé, et Alain Trémolière, Raouf Raïs, Bastien Bouillon, Tom L'Aiguiller, Thomas Pouget, Élodie Menon, Leslie Lipkins, Elsa Bosque, Jade Fortino et Pauline Dubreuil. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Bruitage, Sophie Bissens, assistée de Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Michael Simon pour la documentation sonore. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Juliette Eman.